Je circule hors agglomération. Le panneau de danger est donc situé à 150 mètres environ du début de la zone dangereuse. Le panonceau qui le complète est un panonceau détendu qu'il ne faut pas confondre avec un panonceau de distance. Ici, il donne une précision sur la longueur de la zone dangereuse, qui est une succession de virages s'étendant sur une distance de 400 mètres environ. Réponse A et C.